un problème avec Jam Taba. Ça le fait pas avec Rear Ninja. Dès que je charge un instrument virtuel, ça me coupe la connexion. Il doit y avoir un bug, ça le faisait pas avant. Bizarre. Si je suis là, mais je suis en train d'essayer un piano Wurlitzer, je sais pas comment on prononce. On est à combien ? 80 ? Ils ont mis. Non, micro Leslie coupé. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Oui, ça va là. Bon, il y a des sons un peu bizarres hein, sur ces trucs. Tu peux pas accélérer ce truc là. Thank you.